depuis maintenant 3 ans. Tu essaies ma scène une musique sans concession. Bataillant contre rien mais hostile à tout. Tu essaies n'a peur de rien. Tu essaies mais contre tout. Le sujet favori de QSM, c'est QSM. La véranda, le lieu de création, de détente, le berceau du QSM. Et l'anaconda, gardien farouche et hargneux. Toi qui imbibé et enfumé. Et enfumé. 10 ans déjà, et il est temps que tu stresses. Prosterne-toi, car c'est l'heure de la messe.